En Corée, la direction d'édition de timbres d'État vient de faire paraître un timbre individuel et une vignette présentant l'aérogare de l'aéroport international de Pyongyang et le palais des enfants de Mangyongdae. Ils ont été réaménagés l'année dernière en création monumentale de l'époque du Parti Travail de Corée. Il y a aussi quatre nouveaux timbres individuels figurant les oiseaux qui vivent en Corée et dans divers pays, tels que l'Anuis sphenocericus et Pyrrhula.